d'une plus grande intelligence. Que j'explique la nécessité au cours de la prochaine génération de se dissocier psychologiquement de la valeur sociale et de commencer à réaliser l'importance d'être chez soi dans le monde. Et quand je parle d'être chez soi dans le monde, je dis quelque chose qui est extrêmement subtil. Parce qu'il est difficile à l'homme qui a de l'émotion de se sentir chez soi dans le monde lorsqu'il sait que le monde est assoiffé de sang et assoiffé de violence et capable à n'importe quel jour, à n'importe quelle partie de la journée, de faire vibrer les clôtures autour de sa maison et de mettre sa maison en feu. De sorte que pour commencer à se sentir chez soi dans le monde, il faut être extrêmement intelligent. Et pour être extrêmement intelligent, il faut être de plus en plus conscient de la valeur fondamentale de l'intelligence et de la valeur progressive de cette intelligence et de la capacité de cette intelligence de renverser toutes les lois de la vie sociale, de renverser toutes les lois de la vie psychologique et de renverser toutes les lois de la vie de la cinquième race de l'homme. Et tant que l'homme ne sera pas capable de vivre suffisamment dans le mental de son intelligence, tant que l'homme ne sera pas capable de se dissocier tant soit peu de l'émotivité de son intelligence, il ne sera pas capable de s'imaginer même la capacité de vivre seul dans le monde. De vivre bien dans le monde et d'être à sa place dans le monde et d'être là dans le monde où il fait bien vivre. Et si vous prenez la condition de l'homme telle qu'elle est aujourd'hui, les hommes étant ces êtres qui possèdent encore de l'émotion dans le mental, il est évident que les hommes ne peuvent pas voir d'un bon œil ce qui se passe dans le monde. Mais ce n'est pas important que les hommes voient d'un bon œil ce qui se passe dans le monde. Il faut que les hommes voient de leur intelligence l'œil de leur intelligence. Un homme qui est dans l'intelligence ne se préoccupe pas des index économiques, il ne se préoccupe pas des index politiques, il ne perd pas d'énergie à essayer de relever le défi de changer les index économiques aux politiques. Il s'occupe simplement de relever le défi de son intelligence. Ce défi lui indiquant parfaitement le chemin qu'il doit emprunter si un jour il veut sur la planète, quelle que soit la condition de ses index, être capable de dire qu'il est à sa place dans le monde. Et un homme qui n'est pas dans sa place à sa place dans le monde ne peut pas être sur le plan psychologique heureux, ne peut pas être dans son intelligence, il ne peut pas être parfaitement en équilibre avec les lois de la nature, avec les forces de la nature, et automatiquement ne peut pas emprunter les forces de la nature pour la construction d'une société anonyme. Les hommes aujourd'hui sont obligés de travailler pour survivre, c'est normal. D'ailleurs, ce n'est pas le normal, le travail qui est le problème. Ce sont les conditions du travail. Ce n'est pas travailler qui est mauvais pour l'homme, c'est l'émotion que le travail lui arrache. Le travail est très bon pour l'homme. Le travail exerce son cœur, exerce son esprit. Exerce tout en lui qui fonctionne, de sorte que le travail est très bon pour l'homme. Mais si le travail enlève à l'homme, à cause de son émotivité, de l'énergie, le travail n'est pas bon. Et le travail le ruine, et aujourd'hui le travail ruine l'homme. Et les hommes étant ruinés par le travail, détestent le travail. Et comme ils détestent le travail, ils veulent détruire ceux qui l'institutionnalisent, ceux qui l'organisent, ceux qui le mettent sur pied ou qui le leur retranchent. Mais l'homme intelligent n'a pas besoin de travailler. Il a simplement à se servir de son intelligence pour organiser ses fonctions physiques en fonction de ce qu'il a de besoin pour découvrir ce qu'il veut, c'est-à-dire pour découvrir ce qu'il a de besoin en fonction de son intelligence. Et ce que l'homme veut lorsqu'il est conscient, c'est ce qu'il a de besoin en fonction de son intelligence, ce n'est pas ce qu'il a de besoin en fonction de son corps de désir. Et ce que l'homme a de besoin en fonction de son intelligence et non pas en fonction de son corps de désir, doit lui venir parce que l'intelligence est puissante et l'intelligence ne peut pas être arrêtée dans l'homme lorsqu'elle s'est assise en lui et lorsqu'elle commande les manettes de son cerveau. Mais pour que l'homme puisse avoir un conducteur en lui qui est intelligent, pour que l'homme puisse participer à une activité créative qui est moronciellement adaptée à sa nature occulte, il est absolument essentiel que l'homme, sans désinvolture, puisse regarder derrière lui et retrouver dans ce qu'il regarde une couche de poussière. Et si l'homme ne peut pas retrouver, ne peut pas voir de la poussière sur les meubles qui ont façonné son existence, qui lui ont donné les valeurs sociales auxquelles il s'est accroché à cause de ses émotions, il est évident que cet homme ne peut pas regarder dans l'avenir, ne peut pas regarder à travers l'œil de son intelligence et découper dans le pamphlet des idées qui viennent de son intelligence une structure future de son avenir qui convienne parfaitement à son intelligence et à son corps matériel et à ceux qui iront dans ce temps avec lui. Autrement dit, l'homme ne peut pas faire vivre deux vies. Il ne peut pas vivre une vie qui est en retrait et une vie qui est en avance. Un homme ne peut pas vivre une vie qui déjà a été conditionnée par une république ancienne et aussi vivre une vie qui doit coïncider avec le traitement occulte, intelligent et cosmique d'un empire mondial. Mais l'homme est un être chétif. L'homme est un être qui se nourrit des visions qu'il a de son avenir. Et l'homme ne peut pas se nourrir des visions qu'il a de son avenir. Les visions qu'il a de son avenir ne sont que des clichés rapportés à son intelligence, à son écran mental, par des forces qui sont derrière lui, par des forces qui sont soit des plans astraux ou du plan de l'intelligence pure. Mais l'homme ne peut pas se nourrir de ceci, il peut être soutenu par ceci. Mais être soutenu par une forme qui lui vient à l'esprit pour lui faire passer un plus grand nombre d'années dans ce no man's land que je décrivais tout à l'heure, c'est une autre paire de manches. Et l'homme doit être un jour capable et prêt à affronter le réel, c'est-à-dire à affronter la dimension psychologique de l'intelligence qui lui est expliquée par ceux qui sont déjà dans ce champ de force, afin de pouvoir, petit à petit, se désintoxiquer à la fois du rêve de l'avenir et à la fois du cauchemar du passé. C'est pourquoi j'ai déjà dit que l'homme doit apprendre dans son activité de tous les jours à réaliser, à voir les imperfections de sa vie, les éliminer une à une, éliminer et identifier les problèmes de sa vie pour s'apprêter éventuellement à subir suffisamment d'énergie en lui pour commencer à contempler son intérêt vital. Si l'homme a trop de problèmes, il ne peut pas contempler l'intérêt vital. Il passe son temps à résoudre ses problèmes. Et trop d'hommes ont de problèmes. Mais les problèmes de l'homme sont directement liés à l'intention qu'il a, dite ou inédite, de sa conscience sociale et des valeurs sociales rattachées à elle. Si l'homme était réellement conscient des valeurs sociales qui font de lui un paroquet, une image, un robot de la machine sociale, l'homme serait capable de voir qu'il est grand temps qu'il déplace dans sa vie les énergies nécessaires pour réorganiser complètement sa vie. Et quand je dis réorganiser complètement sa vie, je veux dire voir jusqu'à quel point il est capable d'aller dans la construction sur le plan matériel de l'impossible. Et l'impossible coïncide avec quoi? L'impossible coïncide avec l'homme, avec le rêve le plus loin qu'il puisse contempler dans son intelligence. Et si nous retournons dans ce qui a été établi concernant la réalité de l'homme, si nous retournons dans la réalisation que tout homme qui pense, pense quelque chose qui vient de quelque part, nous nous apercevons que si un homme pense déjà un rêve impossible et qu'il est capable de suivre la trajectoire qui le mène graduellement, petit à petit, vers ce rêve impossible en passant par des formes innombrables qui cachent le vrai visage de ce rêve, à ce moment-là, l'homme sera capable de vivre les conditions de la descente de l'intelligence sur le plan mental et aussi de l'organisation matérielle et non symbolique de cette intelligence à travers un certain nombre d'individus qui seront parfaitement harmonisés dans le mental et totalement dépourvus d'émotions dans l'intelligence. La notion que nous avons de notre vie, à quelque niveau qu'elle soit, cette notion est toujours déterminée par la valeur que nous mettons dans la condition sociale qui nous a donné naissance. Et regardez tous les événements de votre vie là où il y a émotion. Regardez tout événement de votre vie où il y a émotivité et vous verrez que dans toute émotion de votre vie où il y a émotivité, il y a une condition sociale, c'est-à-dire qu'il y a une valeur sociale. Et c'est justement cette valeur sociale qui empêche l'homme de concrétiser dans le présent la valeur de son intelligence et de se rapprocher de plus en plus de la puissance occulte de cette force. C'est pourquoi les hommes sont obligés aujourd'hui de travailler et d'œuvrer pour des entreprises qui continuent à manufacturer des valeurs sociales pour maintenir de plus en plus d'équilibre dans une machine qui va vers la détérioration et qui devient de plus en plus infernale. Nous avons été tellement retranchés pendant des millénaires de la nature de l'intelligence, nous savons tellement peu ce qu'est l'intelligence, que chaque fois que nous vivons un peu d'intelligence, nous nous troublons d'être en relation avec elle. Nous nous troublons d'être en relation avec elle parce que nous ne savons pas jusqu'où elle va nous mener. Et c'est justement là le point. Les hommes ont peur de l'intelligence parce que les hommes ont peur de l'infinité de l'intelligence et ils ont peur de l'infinité de l'intelligence parce qu'ils ont peur de la réalité de l'impossible et ils ont peur de la réalité de l'impossible parce qu'ils n'ont pas la capacité de laisser derrière eux des valeurs sociales. Et c'est justement à cause du fait que les hommes ne sont pas capables de se dissoudre des valeurs sociales qui engendrent en eux une émotivité qui affecte constamment leur esprit, qu'ils sont incapables de juger jusqu'à quel point ils sont capables d'aller dans la concrétisation matérielle de leur intelligence sur le plan physique pour se créer un domaine dans le monde où les hommes de la sixième race peuvent être bien dans le monde. Les hommes sont totalement en faute, non pas parce qu'il leur est impossible de ne pas l'être, mais parce qu'il leur est impossible d'en être autrement. Et c'est justement parce que les hommes sont impossiblement rattachés à la puissance réelle en eux, qu'ils ne sont pas capables, possiblement, de contempler leur liaison avec cette force. Et ils sont tellement impossiblement rattachés à cette force en eux, que le seul mécanisme en eux qui puisse leur permettre de toucher des doigts cette force dans le temps, dans l'avenir, c'est soit l'illusion, soit la forme, soit le rêve, soit le désir. Mais je vous assure que la relation entre la force et l'homme n'est ni dans l'illusion, ni le rêve, ni la forme, ni le désir. La relation entre l'homme et la force est une relation directe, est une relation concrète, est une relation réelle, et elle est une relation aussi réelle qu'était votre irréalité avant votre conscientisation vers la réalité. Autant vous aviez, avant la conscientisation, avant le début de cette perception autre de la nature de l'homme, autant vous aviez conscience que l'existence de l'homme était réelle en soi, autant aujourd'hui vous commencez à en douter et autant demain vous ne pourrez même plus vivre des formes qui en constituent une essentialité psychologique pour maintenir dans la vie de l'homme les valeurs sociales. Et c'est à partir de ce moment que l'homme commencera à se servir de la force en lui, de l'intelligence en lui, parce que l'intelligence est une force, ce n'est pas simplement de l'intelligence, telle que l'homme de la cinquième race le crut. L'intelligence est une force parce qu'elle fait apparaître sur le plan matériel de la volonté, et la volonté étant décousue de l'émotivité, et l'intelligence étant décousue de l'émotivité, ces deux forces ensemble, ces deux principes reliés en même temps, créent chez l'homme suffisamment de pouvoir pour disloquer ce qui est devant lui, pour désengendrer ce qui est devant lui et réorganiser ce qui est en lui et l'amener au dehors, c'est-à-dire le concrétiser dans la matière. Mais les hommes sont imbus d'optimisme. Et l'optimisme est une philosophie qui a été donnée aux hommes par l'astral. L'optimisme est une philosophie qui sert à l'astral. L'optimisme est une philosophie qui empêche l'homme de se détériorer psychologiquement pendant que l'astral devient de plus en plus puissant en lui. L'optimisme, c'est du poison à rat. Ce n'est pas de l'optimisme que l'homme a de besoin, c'est de l'intelligence. Et lorsque l'homme a de l'intelligence, il crée tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut, il va chercher tout ce dont il a de besoin pour faire ce dont il doit faire. À ce moment-là, l'optimisme n'existe plus en lui parce qu'il n'a plus besoin de se référer à des changements quelconques de conditions bénéficiant éventuellement sa conscience psychologique et ses valeurs sociales. Il crée lui-même les conditions dont il a de besoin pour appartenir à une couche de l'humanité qui est infrastructurelle et anonyme. L'anonymat de la cinquième race est dans la tête, ce n'est pas dans le corps physique. C'est dans la façon de voir les choses, ce n'est pas dans la façon de penser. C'est dans la façon de l'intelligence, et non dans la manifestation de l'intellect. L'anonymat de l'homme de la sixième race est totalement gardé, totalement voilé à l'homme qui n'appartient pas à cette race. Quels que soient les mécanismes psychologiques, philosophiques, les mots qui puissent sous-tendre une telle manifestation, l'homme de la cinquième race ne comprendra jamais l'homme de la sixième, parce que l'homme de la sixième n'a aucun code qui puisse faire valoir une valeur quelconque, puisque l'homme de la sixième race n'a aucune valeur sociale. Et c'est par la valeur sociale que les hommes s'identifient, c'est par la valeur sociale que les hommes se donnent des noms, c'est par la valeur sociale que les hommes se donnent des statuts, c'est par la valeur sociale que les hommes se mesurent au niveau du capital. L'homme de la sixième race n'a aucune valeur sociale, et c'est pourquoi son visage n'a pas de yeux. Et comme son visage n'a pas de yeux, les hommes ne pourront jamais le reconnaître, parce que n'ayant pas de yeux, il ne peut pas communiquer avec des hommes qui ne le voient pas. Mais il peut communiquer avec des hommes qui le voient, et ceux qui le voient n'ont pas de yeux non plus. Et comme ils sont aveugles d'un soleil qui n'est pas réel, c'est-à-dire le soleil de la valeur sociale, ils sont capables de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire de voir du soleil noir, c'est-à-dire de voir du soleil de leur propre intelligence. Et ce soleil étant universel et étant au-dessus des nuages et des ombres, ils voient parfaitement que ce soleil noir est en fait un reflet parfait de l'intelligence ultime du cosmos, de l'infinité parfaite de cette intelligence et de la capacité parfaite de l'homme de continuer dans le corps matériel jusqu'au jour où il décidera lui-même d'en sortir. Mais pour que s'exécute sur le plan matériel une condition de vie aussi près de l'impossible, aussi près de l'infinité, aussi près du rêve, du fantastique, de la science-fiction, il est possible, il est nécessaire que l'homme réalise qu'il ne peut pas contempler ce qui n'a pas de visage tant que lui-même n'a pas perdu le sien. Et les hommes aujourd'hui ont trop de visages, et lorsque nous regardons dans leur visage, nous voyons l'imprimatur de la valeur sociale qui détermine la nature de leur psychologie et qui invoque constamment une psychologie personnelle qui n'est pas réelle, mais le produit, le concours de forces sociales qui a constamment diminué la puissance de leur intelligence pour augmenter le pouvoir de leur intellect. Si j'instruis l'homme dans la nation, dans une notion nouvelle, qui est rigidement parfaite, qui est rigidement manifesté selon des lois vibratoires qui dénotent une intelligence impartielle au rôle social ou historique que doit vivre l'homme à l'intérieur d'une société, c'est pour faire comprendre à l'homme qui sent un peu, à l'homme qui sait un peu, à l'homme qui perçoit un peu les vicissitudes de l'intellect contre la puissance extraordinaire et irréductible de l'intelligence. Et un homme qui ne peut pas capter les subtilités de l'intelligence et qui s'accroche dans les vicissitudes de l'intellect ne pourra jamais comprendre le fait que tout homme de la cinquième race, surtout celui qui commence à en exproprier les fondations, n'a pas de visage. Et les hommes qui voient un visage dans les mots Un homme qui voit le visage dans les paroles ou dans les attitudes ne peut pas comprendre que celui qui manifeste des mots ou des attitudes ou des paroles le fait simplement pour rendre concret ce qui est infiniment impossible, c'est-à-dire la conscience éthérique de l'homme de la sixième race. Autant la race indo-européenne a conquis la matière, autant elle a été assujettie à l'expérience de son intelligence. Et l'homme de la sixième race pourra aussi conquérir la matière, et conquérir d'autres matières, et créer d'autres matières, mais avec cette différence qu'il ne sera jamais assujetti au pouvoir de l'intellect. Autant on a glorifié l'intellect qui a mené l'homme au sommet de la science cartésienne, autant demain on pourra vivre sans elle, et autant demain l'homme réalisera que l'intellect et tous les produits de son activité pendant des millénaires n'est qu'en fait qu'un musée de poussière devant la puissance de l'intelligence créative de la sixième race. Les intentions de l'homme nouveau ne peuvent pas être décidées par lui. Les intentions de l'homme nouveau doivent venir de l'intelligence et non de son intellect. Les intentions de l'homme nouveau doivent venir de l'intelligence et non de l'intellect. Et aussitôt que l'intelligence transperce l'homme, aussitôt que l'intelligence se fait valoir à l'homme, il se crée en lui un tremblement. Parce que l'homme est incapable, encore, d'être sûr. C'est-à-dire qu'il a encore la capacité de douter du doublement de ses émotions et du jeu de ses émotions sur l'intellect, ou il est encore capable de s'imaginer qu'il lui est possible d'être mal informé. Lorsque mal informé n'a aucune signification vis-à-vis l'intelligence, puisque être mal informé fait partie de la pénétration graduelle de l'intelligence dans l'homme, et cette mauvaise information n'a qu'un but chez l'homme, c'est de le forcer à ne jamais chercher à voir et à comprendre l'avenir. Le but essentiel, la fonction essentielle, irréprochable de l'intelligence, c'est de forcer l'homme à vivre son intelligence sur le plan matériel et à ne jamais se questionner psychologiquement. C'est pourquoi beaucoup d'hommes dans les années qui viendront, dans les générations qui suivront, seront troublés par la descente de l'intelligence en eux, et étant troublés par l'intelligence en eux qui descend, seront forcés psychologiquement de renoncer à sa pénétration, et retourneront à la valeur sociale, et retourneront à l'attitude psychologique, parce que ils seront incapables de souffrir la pernicieuse activité de cette intelligence qui est constamment de déjouer l'intellect de l'homme et de constamment lui faire voir des choses qui ne sont pas les choses qu'il doit voir. Vous savez, j'ai déjà mis l'homme moderne en garde, j'ai déjà dit que l'homme comprendra un jour que la vérité et le mensonge n'existent pas. De même que l'homme découvrira demain que ceci est tellement vrai, que ceci est tellement réel, qu'un homme qui n'est pas capable, dans le mental, de vivre du mensonge ou de la vérité, de l'intelligence qui transperce en lui, est incapable de se couper de l'émotivité rattachée à la valeur sociale de la vérité ou du mensonge que cette intelligence essaie de réfléchir dans son mental pour lui donner l'impression qu'elle veut bien l'aider et le secourir et lui venir en aide. L'intelligence ne viendra jamais en l'aide de l'homme. Les forces cosmiques ne viendront jamais en aide de l'homme. Ces notions sont des notions sociales. Ces notions sont des notions religieuses, spirituelles. Les forces cosmiques ne viendront jamais en aide de l'homme. Jamais. Jamais les forces cosmiques ne viendront en aide de l'homme. Et l'homme qui n'aura pas compris ce message d'instruction que je fais au monde entier n'aura rien compris du pouvoir de l'intelligence sur la Terre. Et automatiquement n'aura jamais réalisé que le pouvoir de l'intelligence sur la Terre est un pouvoir d'unification, c'est-à-dire est la capacité à des principes inférieurs que nous appelons hommes de recevoir les instructions constantes, plus ou moins ajustées de cette énergie pour qu'un jour, étant mentalement, émotivement et physiquement ajusté à cette énergie, il puisse immortaliser cette énergie et la rendre complètement sous sa volonté. Nous avons l'illustre notion, les hommes, l'illustre notion, qui nous vient des millénaires d'endoctrination, qui nous vient des millénaires d'éducation, qui nous vient des millénaires d'enseignement, des maîtres, des gourous, des êtres de toutes sortes. Nous avons l'illustre notion que les forces cosmiques descendront sur la Terre pour aider l'homme. C'est une illusion extrêmement grande et tous les hommes paieront cette illusion. Les forces cosmiques ne descendront jamais sur la Terre pour aider l'homme. L'homme absorbera l'énergie de ses forces et transmutera ses forces en intention humaine, et il pourra transmuter ses forces en intention humaine lorsqu'il n'aura plus d'intention sociale. C'est-à-dire, lorsqu'il n'aura plus de notion quelconque visant à lui donner ou à procréer pour lui, pour son bénéfice quelconque, quelque chose qui semble lui revenir parce qu'il est une créature vis-à-vis ses êtres. C'est une notion totalement mensongère et qui fait partie des lois du mensonge cosmique sur le globe, et c'est justement pourquoi les hommes n'ont jamais été capables de s'enrichir de l'énergie cosmique et ont été obligés pendant des siècles de capituler devant l'inertie du mensonge et le momentum de la vérité, et ceci est devenu ce que nous appelons aujourd'hui dans le monde occidental, soit la religion, la spiritualité ou l'occultisme. Pourquoi ai-je demandé que les hommes ne croient rien de l'instruction mondiale? Pourquoi ai-je demandé que les hommes ne croient pas mes paroles? Pourquoi ai-je demandé que les hommes ne croient pas ce que je dis? Non pas parce que je dis n'est pas réel, mais pour que les hommes ne s'assoiffent pas de vérité ou de mensonge. C'est pourquoi. Il est absolument essentiel que l'homme de demain réalise que la notion de l'homme de demain sera réalisée par l'homme de demain selon sa capacité d'organiser, de faire descendre, de vivre, de transmuter constamment cette énergie qui entre dans son corps, qui allume ses neurones. Mais dès que l'homme aura la notion, quelque peu spirituelle qu'elle fût ou qu'elle soit, d'un aide venant d'ailleurs, il sera dans la merde et il sera obligé éventuellement de réaliser l'effet de la mort mortelle. Ce n'est pas dans le rapport entre l'homme et les forces cosmiques que l'homme doit trouver l'allégeance avec l'énergie. C'est dans sa capacité de transmuter son émotion et son mental. C'est dans sa capacité de transmutation que l'homme découvre l'allégeance, l'alliance avec ses forces. Ce n'est pas dans l'attitude ou dans la notion quelconque d'un rapport spirituel ou d'un rapport onctueux ou d'un rapport qui sent ou qui souffle le paternalisme cosmique ou le paternalisme occulte ou le paternalisme spirituel. L'homme est à la fin du paternalisme et les hommes de demain et les hommes de la 16e race n'auront plus de père. Ils seront eux-mêmes les pères de la 6e race. C'est pourquoi les notions que je vous donne sont des notions extrêmement importantes parce que leur imposition vis-à-vis l'intellect, le fait qu'elles vous sont données au-delà des remparts de ce que vous puissiez imaginer qu'elles puissent vous être présentées, vous force automatiquement sur le plan mental et sur le plan émotionnel à vous dissocier des valeurs sociales de toutes sortes qui forment la configuration de votre psychologie sociale et qui entraînent vos émotions et votre mentalité à être drainées dans le sol au lieu d'être emmagasinées en vous et servir pour vous à une réserve d'énergie éventuelle que vous pourrez vous servir, que vous pourrez utiliser pour façonner quelque part sur le globe, dans un temps certain, les conditions d'une civilisation qui sera totalement anonyme et inconnue et incompréhensible de l'homme de la 5e race. Alors, les notions de valeur que vous avez, les notions de valeur qui semblent bonnes, les notions de valeur qui semblent bonnes sont des notions de valeur qui ne viennent pas de l'intelligence, mais qui font partie de l'assujettissement de l'émotion et de l'intellect de l'homme à une conscience sociale qui est perpétrée pendant des millénaires pour une raison, permettre que le monde des morts se nourrisse de l'homme et que l'homme, à cause de ceci, revienne à la mort au lieu de devenir immortel. Alors, les notions que vous avez, les bonnes notions, je ne m'inquiète pas des mauvaises notions, parce que les mauvaises notions sont effectivement mises de côté chez les hommes de bonne volonté, mais je parle des bonnes notions. Les notions que vous semblez, que vous reconnaissez comme étant louables, ne sont pas nécessairement réelles, ce sont des notions qui vous font plaisir, parce qu'elles servent à conserver en vous une mémoire d'émotion et d'intelligence qui fait partie de votre alliance, de votre relation avec la cinquième race de l'homme ou l'empire indo-européen. Et chaque homme de la nouvelle génération sera obligé de reconnaître d'une façon finalitaire que le mensonge a autant servi l'homme que la vérité et que la vérité a été aussi mensongère que le fut ce que l'homme a toujours mis de côté comme étant antisocial. Le front de l'homme doit s'ouvrir. Et pour que le front de l'homme s'ouvre, il faut que le cœur de l'homme se ferme. Dans les valeurs sociales, il y a une notion de caractère des valeurs sociales que je voudrais développer pour vous faire comprendre jusqu'à quel point l'homme est voué à certaines valeurs sociales à cause de son caractère. Le caractère de l'homme, c'est un emprunt. C'est-à-dire que le caractère de l'homme, c'est le résultat d'une continuité dans le temps d'expérience qui antécède sa descente dans la matière sur le globe. Et les valeurs sociales que nous connaissons, dont nous jouissons en société, sont le produit, le résultat du caractère humain. Et parce que le caractère humain n'a pas atteint sa pleine intelligence, c'est-à-dire que parce que le caractère humain n'est pas parfaitement équilibré avec l'intelligence, les valeurs sociales que nous connaissons sont très disparates dans le monde et même à l'intérieur de notre société. Et c'est le caractère... C'est le lien entre le caractère ou la relation entre le caractère et les valeurs sociales qui crée les différentes nations. Et un jour, le phénomène des nations, le phénomène national, va demeurer pendant un grand nombre de siècles encore. Mais sur le plan humain, sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la descente de l'intelligence sur la Terre, en ce qui concerne la formation d'une race d'hommes, une race d'hommes supérieure dans l'intelligence, non pas en intelligence, mais dans l'intelligence, la relation entre le caractère et les valeurs sociales n'existera plus. Mais aujourd'hui, dans notre expérience, la relation entre notre caractère et la valeur sociale est très étroite. Et les hommes ont beaucoup de difficultés à voir la relation entre leur caractère et la valeur sociale. Et aussi ont de la difficulté à comprendre pourquoi, souvent, ils ont un caractère qui cherche à s'affranchir de la valeur sociale ou à s'emprisonner de la valeur sociale. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un homme qui est moindrement sensible à son intelligence, bien qu'il soit inconscient, à cause de son caractère, et à cause de la disparité entre son caractère et la valeur sociale, cet homme-là aura tendance, durant sa vie, à se penser marginal. S'il est fort, il pourra vivre jusqu'à un certain point sa marginalité, mais éventuellement, il sera obligé de demeurer à l'intérieur de la valeur sociale. S'il va trop loin en dehors de la valeur sociale, à ce moment-là, il deviendra excentrique. Et l'excentricité chez l'individu lui permet de vivre son caractère d'une façon suffisamment près de lui-même sans que ce caractère-là soit dilué par la valeur sociale. Être excentrique, c'est pas un cadeau, parce qu'être excentrique, c'est essayer de vivre son caractère à l'intérieur d'une société qui ne permet pas l'exécution de son caractère dans toutes ses formes. Mais pour un homme qui se conscientise, vivre son caractère, non pas d'une façon excentrique, mais d'une façon réelle, sans que ce caractère-là soit affecté ou aboli ou limité par la valeur sociale, c'est très difficile quand il est inconscient. Et au fur et à mesure qu'il se conscientise, ça devient de plus en plus facile, mais il est obligé de faire un choix à un certain moment. À un certain moment, l'homme conscient qui veut vivre son caractère, c'est-à-dire qui veut vivre de ce qu'il a accumulé comme expérience dans le passé, d'expérience positive, à l'intérieur d'une société qui est forcément inhibitive, cet homme-là sera obligé éventuellement de traduire son caractère en activités personnelles qui ne sont pas antisociales, autrement dit, qui se servent de la forme sociale, mais à l'intérieur d'une limite ou d'une absence de limite créée par son intelligence. Je vous donne un exemple. Prenons un individu qui est très près de son caractère, autrement dit, qui est très près de la vibration intérieure de son intelligence, mais qui n'est pas suffisamment conscient pour ne pas souffrir de l'effet psychologique créé sur sa pensée par son caractère à cause de la relation entre son caractère et la conscience sociale, ce qui l'amène à souffrir dans son ego, ce qui l'amène à se sentir pas comme les autres, ce qui l'amène à se développer des complexes d'infériorité, ou ainsi de suite, ou des complexes d'éducation, whatever. Cet individu-là, lorsqu'il se conscientise et qu'il entre dans son intérêt vital, est capable, à cause de son intelligence et à cause des conditions créées par l'intelligence vis-à-vis de lui, en relation avec d'autres hommes, il est capable éventuellement de voir que son caractère, qui normalement aurait été marginal, suite excentrique, n'est ni marginal, ni excentrique, très normal, mais doué d'une capacité de s'ajuster avec le temps et l'intelligence en fonction d'un intérêt vital qui sera éventuellement sous son contrôle, sous son empire. Moi, j'ai un ami qui est comme ça, qui un type qui est très simple, qui a arrêté instantanément son éducation quand il m'a rencontré, puis que je connais depuis multiples années. Puis ce type-là, il était très près de son caractère. Son caractère était un problème pour lui parce que son caractère ne convenait pas à la valeur sociale, ce qui créait chez lui une sorte d'infériorité, une sorte d'inquiétude, une sorte d'insécurité, une sorte de si. Autrement dit, il ne pouvait pas faire fonctionner comme les autres. Et petit à petit, au cours des années où il a bénéficié de certaines choses, de ce que j'avais à lui dire concernant son caractère, aujourd'hui, il est capable de vivre son caractère d'une façon totale, à l'intérieur d'un intérêt vital qui provient de son intelligence, et il ne souffre plus de l'effet de la valeur sociale sur son caractère, de sorte qu'il ne souffre plus d'infériorité ou d'insécurité psychologique comme il souffrait il y a plusieurs années. Alors, pour lui, la vie est une expérience heureuse parce que la vie consiste à faire ce qu'il veut. Bon, admettant qu'il y ait des conditions extrêmement proches de lui qui conviennent à son caractère et qui conviennent à ma vie, permettant à son caractère de se manifester à l'intérieur d'un intérêt vital qui peut facilement lui rapporter constamment tous les jours une sécurité réelle, autrement dit au niveau de son intelligence, la manifestation de son intelligence. Le même principe existe pour tout le monde. Tous les hommes ont la capacité de rendre leur caractère qui est plus ou moins sensible ou qui se sent plus ou moins marginal ou qui peut plus ou moins s'ajuster à la valeur sociale, peuvent rendre un jour leur caractère suffisamment suffisamment sensible à son intelligence pour que ces hommes, au niveau de leur ego, puissent raccorder leur ego à leur intelligence et bénéficier de leur caractère au lieu d'en souffrir. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, surtout les gens qui sont sensibles, ainsi de suite, les gens qui s'acheminent tant soit peu vers une certaine conscience, une conscience qui est soit près de leur intelligence ou soit encore enténébrée par la spiritualité, mais des gens qui s'acheminent vers une sorte de d'évolution quelconque, beaucoup de ces gens souffrent dans leur caractère. Ils ne peuvent pas voir de compatibilité entre leur caractère et la valeur sociale, et ils n'ont pas encore l'intérêt vital pour voir leur caractère bien fité à l'intérieur de l'intérêt vital, ou le besoin qu'il s'exerce une relation d'appui entre le caractère social et la valeur sociale ne soit plus nécessaire. Alors, ces gens-là, éventuellement, pourront, au cours des années, greffer leur caractère social à leur intérêt vital et ne plus souffrir de la valeur sociale qui a tendance naturelle à faire interférence avec le caractère naturel de l'homme. Un homme ne peut pas vivre très, très, très heureux sur la Terre si son caractère ne convient pas à sa vie et si la valeur sociale ne convient pas à son caractère. Alors, qu'est-ce que l'homme fait pour survivre? Il s'occupe de survivre. Et en s'occupant de survivre, il trouble son caractère. Pardon, il trouble son caractère. Il s'inculpe vis-à-vis de la société parce qu'il n'est pas suffisamment fort dans son ego pour combattre l'effet social d'une multitude d'opinions et d'une multitude de caractères qui fonctionnent d'une façon mécanique et inconsciente contre lui qui essaie de vivre son caractère d'une façon réelle. Alors, l'homme plus ou moins sensible qui va vers l'évolution, qui évolue, ou qui cherche à évoluer, ou qui se spiritualise, ou qui va vers la sixième race, cet homme, un jour, réalisera que son caractère fait partie de son intelligence. Et ça, c'est un point que je veux faire. Comme on interprète tout le matériel psychologique de l'être humain en fonction d'une psychologie sociale, on a tendance aussi à émettre des opinions qui deviennent éventuellement pour les individus dans la société des options en ce qui concerne leur caractère. Autrement dit, un individu a droit à son caractère, mais il y a des limites. On l'a su. Et le point n'est pas là. L'individu a droit à son caractère, mais les limites, il doit lui-même les construire si son caractère doit prendre un plus grand espace. Je me prends comme exemple. Moi, j'ai mon caractère. Dans ce sens que mon intelligence convient à mon expérience antérieure. De sorte que mon intelligence fait partie aussi de l'acheminement antérieur que j'ai vécu. De sorte que, sur un plan quelconque, sur le globe aujourd'hui, je ne peux plus renier mon caractère. C'est-à-dire que je ne peux plus renier la relation qui doit exister entre mon intelligence et moi-même. De sorte que je dois vivre mon caractère jusqu'au bout, mais le caractère n'est pas imbu d'intelligence. Le caractère n'est qu'une structure permettant à l'intelligence de se manifester d'une certaine façon. Le caractère, c'est un peu comme un diamant. L'intelligence, l'énergie d'intelligence passe à travers. Toi, tu as un caractère, une autre personne a un autre caractère, une autre personne a un autre caractère. Mais c'est toujours la même intelligence qui passe à travers le caractère, à travers les différents caractères. Mais les différents caractères n'ont pas la même capacité de réaliser leur intelligence, de sorte qu'il y a beaucoup de caractères sur le plan matériel qui souffrent, non pas de leur intelligence, parce qu'ils en sont pas assez conscients, mais qui souffrent du caractère, de leur caractère, sans réaliser que ce dont ils souffrent, ce n'est pas de leur caractère, mais c'est de leur intelligence qui n'éclaire pas suffisamment le caractère pour le rendre sien d'elle-même. Un caractère doit être rendu sien de l'intelligence. Un caractère humain doit être rendu conscient de l'intelligence. C'est-à-dire que l'expérience humaine qui manifestement, sur le plan matériel, devient du caractère, l'expérience antérieure de l'homme, doit devenir sciente de l'intelligence en lui pour qu'il y ait équilibre entre l'intelligence et le caractère. Alors, dans mon cas, il y a équilibre entre l'intelligence et le caractère. Et si mon caractère veut, moi, de tempérament à cause de l'intelligence et aussi à cause du caractère, que un jour j'en arrive à vivre une vie qui est totalement sous mon contrôle,

jamais nous permettre, nous, émotivement, de douter de la moindre perception qu'on a de notre intelligence. Pour que notre caractère sorte de ses gonds éventuellement. L'institutionnalisation de l'homme, c'est facile. Mais l'insurrection de l'homme complet contre l'homme incomplet, c'est un autre paire de manches. L'insurrection de l'intelligence contre l'astral, c'est un autre paire de manches. C'est l'astral qui contrôle le monde aujourd'hui. C'est pas l'intelligence. C'est l'astral. Et les notions d'infinité qu'on a, puis les notions d'espace qu'on a, puis les notions de temps qu'on a, sont des notions qui conviennent, monsieur, à la valeur sociale. Qu'est-ce que c'est pour toi l'infinité? Pas d'espace. Puis qu'est-ce que c'est pour toi l'espace? C'est du temps. Puis qu'est-ce que c'est pour toi le temps? C'est une barrière. C'est une barrière. Fait que t'es pris en pas d'espace, du temps, puis la barrière. Tu vas pas loin avec ça. Tu comprends? Tu vas pas loin. Alors, la notion de l'infinité pour l'homme, c'est une notion qui ne fait pas partie de son vocabulaire. La notion dans sa manifestation expérientielle. Et l'homme doit un jour comprendre qu'est-ce que c'est l'infinité. Les hommes n'ont aucune raison de nier l'existence du réel. La seule raison pour laquelle les hommes nient l'existence du réel, c'est parce qu'ils ne sont pas dedans. Si les hommes étaient dedans, ils pourraient pas nier l'existence du réel, ils pourraient même pas la convertir, cette existence du réel, en une sorte de philosophie ou en une sorte d'espoir quelconque. Très subtil. Vous autres, votre conception, votre notion du réel est encore au stade de l'espoir. Vous n'êtes pas encore dans le réel. Vous espérez que Bernard de Montréal n'est pas trop craqué dans ses bottines. Mais le réel, c'est aucunement une dimension psychologique humaine. Le réel, c'est aucunement une partie de l'ego. Le réel, c'est aucunement une notion. Le réel ne peut pas être converti en aucune valeur qui convient soit à la valeur sociale ou à la valeur humaine qui est une contingence de la valeur sociale. Le réel, ça ne s'explique qu'en fonction du fait que l'homme qui est dans le réel est incapable de penser. Ça va loin, là. Alors, le réel, c'est simplement une condition de l'esprit universel sur l'esprit de l'homme. C'est ça, le réel. Autrement dit, le réel, c'est le pouvoir de l'esprit universel sur l'esprit de l'homme. Autrement dit, le réel, c'est le pouvoir de l'esprit universel sur la matière de l'homme. Autrement dit, le réel, c'est le pouvoir universel sur la matière. Mais pour que l'homme enregistre de plus en plus les vibrations de cet esprit universel qui est le réel, il est obligé de se dissocier des notions contemporaines de la valeur sociale qui font de lui un homme économique ou un homme politique assujetti à des index politiques ou à des index économiques. Tant que vous aurez la chienne de demain, puis l'inquiétude de demain, puis l'inquiétude de la politique, puis l'inquiétude de l'économie, vous serez encore vexé par la notion de votre réel, qui est un réel politique et économique et totalement subjectif et totalement en confrontation avec le réel de votre esprit et totalement en harmonie émotionnelle et mentale avec votre ego, de sorte que vous ne serez jamais en paix, même si c'est une guerre mondiale. Moi, je m'en crisse comme dans l'an 40 que les Russes et les Américains se tapent des noix parce que moi, je sais ce que je vais être dans ce temps-là. Je sais ce que je peux faire dans ces conditions comme ça. Mais il faut que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir aussi, de par lui-même, être conscient de la possibilité de l'intelligence ou de l'esprit sur son esprit pour lui donner les clés à toutes les sauces, c'est-à-dire à tous les mouvements qu'il doit exécuter dans une condition de vie où les notions sociales ont converti l'humanité en un enfer pour que lui n'en souffre pas. C'est pour ça qu'au cours des années qui vont venir, vous ne pouvez pas vous permettre, après m'avoir entendu, de retourner sur vous-même et de regarder dans le passé de votre connaissance et de vous servir de votre mémoire émotive ou mentale pour juger de ce que je vous dis ou même juger de l'impression de ce que vous avez de ce que je vous dis. Parce qu'éventuellement, plus ou moins dans le temps, vous allez être obligé soit de reconnaître que c'est comme ça ou soit de mourir ou soit d'être brûlé dans les déchets radioactifs de la Troisième Guerre mondiale. Vous n'avez pas le choix. C'est pour ça que les hommes sont laissés à la faculté caractérielle, c'est-à-dire que les hommes sont laissés à être capables de s'exécuter caractériellement en fonction de l'énergie de leur intelligence, ou à vivre une vie qui sera l'expression de plus en plus réelle dans le temps contemporain d'un calvaire que l'humanité a toujours craint, que l'humanité a toujours repoussé dans le temps, mais qui éventuellement doit être exécuté parce que l'homme doit récolter le karma de ses actions. Alors, vous avez avantage au cours des années que je vous parle ou en fonction de ce qui sera laissé dans votre milieu, de comprendre l'essentialité de ma parole pour pouvoir ajuster votre pensée à ma parole, pour que votre pensée un jour devienne votre parole et que votre parole puisse vous indiquer le chemin où dans l'avenir vous irez. Parce que c'est pas par votre pensée que vous irez dans le monde, c'est par votre parole. Parce que votre parole vous permettra de créer des actes qui coïncidera avec votre caractère, fusionner avec votre intelligence, de sorte qu'éventuellement vos actes ne seront pas enregistrés dans votre ego, mais seront l'expression de l'intelligence supramentale sur la Terre. De sorte que vous serez à ce moment-là ce qu'on appelle des membres de la sixième race, c'est-à-dire vous serez des êtres un petit peu plus intelligents que la moyenne, un petit peu plus en dehors des cadres de la moyenne, mais toujours suffisamment axés sur la conscience sociale pour ne pas passer pour des idiots, justement parce que vous serez un petit peu plus intelligent que la moyenne. Puis quand vous serez au-dessus de l'intelligence de la moyenne, parce que vous serez dans une intelligence cosmique, à ce moment-là, vous ferez partie des desseins invisibles et des desseins cachés et occultes de la sixième race de l'homme. En attendant, on continue. C'est le temps de manger, là? Craquer, là? T'as mangé. Alors j'ai expliqué la relation. Si vous me laissez la parole, je continue. J'ai expliqué la relation entre le caractère légal puis les valeurs sociales. Puis, pour compléter ça, je voudrais me prémunir d'une autre lentille d'approche pour voir jusqu'à quel point le comportement humain est assujetti à l'ego, à l'intellect, et se rend perméable à cause de ceci à la valeur sociale. C'est la notion de la notion. Les hommes vivent en fonction de la notion. Qu'est-ce que c'est une notion? Une notion, je t'ai dit toilette en haut. J'étais dans les toilettes en haut, puis j'ai dit à eux autres, j'ai dit, qu'est-ce que c'est une notion? Puis ils disent, une notion, c'est l'idée que vous faites de quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que c'est l'idée qu'on se fait de quelque chose? C'est la notion. Puis là, ils me répondent, c'est la notion que vous avez de ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est la notion de ça? Ils disent, c'est l'idée que vous avez de la notion de ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est l'idée que j'ai de la notion de ça? Ils disent, c'est l'idée que tu te fais de l'esprit critique que tu as quand tu regardes ça avec tes yeux d'humain. J'ai dit, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Il dit, t'as rien à faire. J'ai dit, moi, j'ai une notion. Il dit, t'as une notion quand on veut que tu n'aies une. Puis j'ai dit, quand je n'ai pas, il dit, quand on veut pas que tu n'aies une notion, tu n'as pas. Puis j'ai dit, quand vous voulez que j'en aie une, je n'ai-tu? Il dit, on te laisse avoir la notion qu'on veut que tu aies pour le travail que tu as à faire. Puis j'ai dit, moi, personnellement, j'en ai-tu des notions? Il dit, toi, personnellement, t'existes pas. J'ai dit, comment ça, personnellement, j'existe pas? Il dit, t'existes-tu personnellement? J'ai dit, non. Il dit, toi, t'existes pas, t'as pas de notion. Autrement dit, Il essayait de défiler dans le miroir de mon esprit la valeur de vivre sans notion. Quand on vit sans notion, on n'a pas besoin d'avoir la notion qu'on vit. Quand on vit sans notion, on n'a pas besoin d'avoir la notion qu'on vit. Ça, c'est dur à l'homme de comprendre ça. Parce qu'on a la notion qu'on vit. La raison pour laquelle on a la notion qu'on vit, c'est parce qu'on veut avoir l'impression de vivre. La raison pourquoi on va avoir l'impression de vivre, c'est parce qu'on a la notion d'avoir l'importance de vivre. Mais l'importance de vivre, elle vient d'où? Elle vient de la notion qu'on a de vouloir vivre. La notion qu'on a de vouloir vivre, elle vient d'où? Elle vient de l'impression qu'on a du besoin et du bien-être de vivre. Mais cette notion-là, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'on pense. Mais le fait qu'on pense, il vient d'où? Il vient des autres. Mais si on réalise pas qu'on pense à ce moment-là, on a la notion de l'idée qu'on pense. Puis si on a la notion de l'idée qu'on pense, on pense à la notion qu'on a et automatiquement on s'assujettit à la notion qu'on se fait de ce que l'on pense. Et c'est un cercle vicieux. Mais dans le fond, c'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle qui tue l'intelligence dans l'homme. Et quand l'homme commence à tuer son intelligence, il commence à se nourrir de notions pour remplacer la mort de son intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre l'intelligence de l'homme et la fausse intelligence ou l'illusion d'intelligence de l'homme? C'est que l'homme vit d'une notion d'intelligence. Et lorsque l'homme est conscient qu'il est dans l'intelligence, il n'y a pas de notion d'intelligence, il est simplement dans l'intelligence. Puis quand il est dans l'intelligence, il n'y a pas besoin d'avoir de notion qui est intelligent. Fait que moi, j'ai dit, je suis intelligent. Qu'est-ce que tu m'as dit? OK. Quand je te l'ai demandé, je suis intelligent. Ils m'ont dit, t'es dans l'intelligence. J'ai dit, je suis intelligent. Ils ont dit, t'es dans l'intelligent. Mais j'ai dit, je suis-tu intelligent? Ils disent, t'es dans l'intelligent. Autrement dit, pour me faire réaliser que, quelle que soit la notion que tu veux avoir de toi-même, la notion que tu as de toi-même est toujours en fonction de ton intelligence. Si plus tu es dans l'intelligence, moins tu as de notion de toi-même. Plus tu es dans l'intelligence, moins tu as besoin de notion de toi-même. De sorte que si tu es totalement dans l'intelligence, tu n'as plus besoin d'être toi-même. Quand tu n'as plus besoin d'être toi-même, tu es bien, parce qu'une fois que tu n'as plus besoin d'être toi-même, tu n'as plus de responsabilité envers toi-même. Fait que si tu n'as plus de responsabilité envers toi-même, tu n'as plus la responsabilité d'être obligé d'avoir une notion pour te supporter psychologiquement. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as plus de problème. Mais la raison pour laquelle on a des problèmes, c'est parce qu'on a des notions dans la tête. Les notions qu'on a dans la tête sont des notions qui nous permettent d'avoir des problèmes et de cultiver des problèmes pour le bénéfice de notre expérience. Quand on rentre dans l'intelligence, et qu'on perd la notion de notre personnalité, notre personne. On acquiert la réalité de notre autre personne. Et la réalité de notre autre personne, c'est le processus d'infiltration de l'énergie de l'intelligence dans le moi humain qui est incomplet. Puis c'est pour ça que si les gens trouvent ça difficile, la conscience universelle ou la conscience, appelez ça comme vous voulez. Parce que les gens sont pas capables et ont peur de mettre de côté la notion qu'ils ont de la vie ou la notion qu'ils ont d'eux-mêmes ou la notion qu'ils ont de quelque notion que ce soit pour que ce soit remplacé par un vide total qui est complété par un plein total qui est le processus inverse de la conscience humaine, c'est-à-dire qui est le processus de la descente de l'énergie dans ses corps au lieu de l'activité de son mental pour se créer l'idée ou l'impression d'une notion quelconque qui lui donne une réflexion dans son ego, qui lui donne l'illusion de son être, qui lui donne l'impression d'être, qui lui donne l'impression d'être intelligent. Et l'expérience de l'homme qui est la plus proche, qui est la plus près d'être sans notion, c'est quand il dort. Quand vous dormez, là, vous n'avez pas de notion. Quand vous dormez. Mais aussitôt que vous vous réveillez, vous commencez à avoir des notions. Puis aussitôt que vous vous réveillez, vous utilisez vos notions pour créer d'autres notions, pour créer la confusion dans le monde et dans votre esprit. Alors, les valeurs sociales qu'on vit, qu'on entretient, qu'on cultive, qu'on alimente, qu'on aime, puis qu'on nourrit émotivement et intellectuellement, font tellement partie de notre psychologie qu'il nous est devenu aujourd'hui impossible, les hommes, de réaliser qu'on est des porteurs de vie, c'est-à-dire des porteurs de lumière, c'est-à-dire des porteurs de pouvoir, c'est-à-dire des êtres qui sont sur un plan vibratoire opposé dans le temps à ce qu'on appelle, nous autres, les mondes de la lumière. Et automatiquement, comme on est opposé dans le temps à ce qu'on appelle les mondes de la lumière, on est favorisé dans l'espace par la présence de cette énergie-là dans nos corps, dans nos volumes matériels, et on n'est pas capable de résister à nos notions, et nos notions nous empêchent que cette énergie-là rentre en nous autres. Fait que les gens font toutes sortes d'efforts, toutes sortes d'exercices, toutes sortes d'expériences. Les hommes font tout ce qu'ils peuvent au monde pour être dans l'intelligence, puis tout ce qu'ils font au monde pour être dans l'intelligence, ça les éloigne. Tout ce qu'on fait, le plus grand bien, le plus grand ci, le plus grand ça, toutes les notions qu'on a, des plus simples ou plus complexes, nous retardent et nous empêchent d'être dans l'intelligence. Alors, l'involution, c'est ça. On est rendu à la fin, là, mais c'est ça, l'involution. L'involution, il dit, c'est faire tout ce qui est possible pour l'homme contre la descente de l'énergie d'intelligence en lui. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'on est inconscient. Puis pourquoi est-ce qu'on n'a pas la capacité de vivre sur un globe et d'exercer le pouvoir de la lumière sur le globe. D'exercer le pouvoir de l'intelligence sur le globe. De créer une civilisation sur le globe qui est hautement évoluiste. C'est pas clair? Parce que tout ce qu'on fait est fait en fonction des notions. Puis on a des notions de tout. Puis ils disent qu'on a tellement de notions, là, que toute notre mémoire est notion. Toute notre mémoire est notion. Toute notre mémoire. Il n'y a absolument rien dans notre mémoire qui n'est pas notion. Fait que quand on commence à rentrer dans l'intelligence, qu'on commence à être fusionné avec eux autres, ça disparaît. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste plus rien. Mais quand il ne reste plus rien, il reste quelque chose. C'est eux autres sur la Terre. À travers nous autres. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire, nous autres? Ça veut dire eux autres sur la Terre. Subtil, ça. Nous autres, demain, c'est eux autres sur la Terre. Puis là, il y en a qui vont arriver en cours avec des notions. Puis là, ils vont dire, mais c'est-tu eux autres comme on se voit? C'est-tu eux autres comme on le voit? Tu sais? On est au bout. Ils disent qu'on est tellement au bout, là, qu'on est au bout du bout. C'est pour ça qu'on est loin du bout. Aussitôt qu'on dit quelque chose de réel, là, nos notions nous servent. Aussitôt que tu dis quelque chose. Parce qu'aussitôt qu'on dit quelque chose, on essaie de le comprendre. Alors, on essaie de comprendre comment? Avec des notions qu'on a. C'est écœurant, comment dire. On est des vrais chameaux. On n'est pas capable d'écouter quelque chose, là, sans rien y ajouter, puis rien y soustraire. C'est top. On s'en va à la maison, puis on pense à ça. Puis on place ça. On est des aides absolument au bout. Extraordinaire. Mais au bout. Il n'y a aucune notion dans l'esprit de l'homme qui est réelle. Aucune. Aucune. Quand tu dis aucune, donnez-moi-en n'importe quoi, tout les mettre à terre. N'importe quoi. Il n'y a aucune. C'est effrayant. Il n'y a aucune notion dans l'esprit de l'homme qui est réel. Fait qu'il faut pas se casser la tête. Aucune. C'est effrayant. On est fait, les hommes, complètement, au niveau de nos personnalités, on est d'illusions, de forme. Les notions, elles nous viennent de l'astral. Tout à fait. Savez-vous pourquoi les notions nous viennent de l'astral? Parce que l'astral, c'est un monde d'illusions, puis c'est un monde aussi où les formes sont réelles. C'est dans l'astral que les formes sont réelles, pas sur la Terre. Dans l'astral, les formes constituent leur monde. Fait que nous autres, au niveau de notre esprit, on vit du miroitement de leur forme. C'est tellement fort qu'il y a un gars aux États-Unis, un magicien, là. Il est magicien en Amérique, un très bon magicien, un jeune juif. Il est tellement bon, le gars, là, qu'il peut pas s'imaginer ce qu'il fait. Il est même pas capable s'imaginer. Il y a une notion de sa magie. Il y a une notion que ce qu'il fait, c'est de la prestidigitation, une sorte de trucage. C'est tellement fort, la notion, là, que s'il était conscient de ce qui se passe, il craquerait net. Il viendrait fou comme la merde. Chaque fois qu'il travaille là, dans les terres, après 60 ou 17 ans, il y a tous des extraterrestres qui sont là. Ils sont pluggés dans l'invisible. Puis c'est eux autres qui fournissent toute l'énergie qu'il a besoin de faire ce qu'il fait. Mais s'il faudrait qu'il sache ça, il viendrait dingue de suite. Il perdrait la notion de lui-même. C'est ça que je veux parler. La notion de soi-même. On a une notion de nous autres. On a une notion de nous-mêmes. La notion de nous-mêmes, elle est calculée, elle est mesurée d'une façon très, très précise par des êtres qui sont dans des mondes parallèles. L'homme comprendra un jour que le phénomène humain, c'est un phénomène instantané. Ça n'apparaît pas instantané ici parce qu'on a une sorte de continuité dans notre structure moléculaire, ainsi de suite. Ça continue pendant un certain nombre d'années. Mais l'homme comprendra un jour qu'un être humain est maintenu en vie instantanément, continuellement par des êtres qui sont dans l'invisible dans le monde parallèle. L'être humain, c'est une image solide. C'est purement une image solide, l'être humain. Et une image solide tellement perfectionnée, tellement parfaite, que la concrétisation de cette activité sur le plan matériel se manifeste dans le corps physique qui est très, très bien développé. L'être humain, c'est une image. C'est une image. Nous autres, sur le plan matériel, notre image est tridimensionnelle. Mais sur d'autres plans, notre image a simplement une dimension. Mais l'être humain n'est pas capable de se voir en une dimension parce que, à cause du fait qu'il a une mémoire. Pour que l'être humain se voit dans une dimension qui est unitaire, il ne faudrait pas qu'il y ait de mémoire. Sans ça, il ne pourrait pas revenir dans son corps physique. Il serait totalement troublé. Mais l'être humain, c'est un être qui est une composition instantanée d'intelligence dans des mondes qui ne font pas partie de l'astral. L'être humain est maintenu en vie par des êtres auxquels on peut donner le nom de composeurs. Ce sont des êtres qui composent. Et la composition de l'être humain, elle est faite selon le modèle de son mental. Autrement dit, quand un être humain vit sur la Terre, ainsi de suite, puis qu'il meurt, ainsi de suite, ses corps se séparent, le corps éthérique s'en retourne, puis s'en retourne à l'énergie indifférenciée. Le corps astral s'en retourne sur le plan astral, mais le corps mental, lui, demeure. Et ce corps-là, il est étudié par ces êtres-là, pendant des siècles, des siècles, des siècles. Et quand l'être humain doit être recomposé, la partie mentale, la partie astrale est réunie dans un corps éthérique neuf et projetée dans un système génétique qu'on connaît, nous autres, sur le plan physique, puis ça crée un être humain nouveau qui fait encore une autre expérience, ainsi de suite. De sorte que il va venir un jour, au 21e siècle, où les êtres humains, à cause de la science qui viendra à la Terre, les êtres humains seront capables de regarder dans des écrans de télévision leur mémoire. Alors, un être humain pourra, je pense qu'ils vont me couper bien vite, là, parce qu'ils veulent pas rentrer gros là-dedans. Je sens que ça commence à être. Mais l'être humain pourra une couple. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'on est des images tridimensionnelles. Et la raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est parce que dans la composition de l'image tridimensionnelle, ce qui donne à l'image tridimensionnelle qu'on appelle nous autres l'être humain incomplet, ce qui donne à cette image tridimensionnelle-là, la notion d'être, c'est le fait justement qu'il a des notions. C'est le fait qu'on a des notions qui nous rend prisonniers de notre tridimensionnalité, autrement dit. On est où, Zé? Si on n'avait pas de notions dans notre esprit, on serait libre de notre tridimensionnalité. C'est ça l'immortalité. Mais parce qu'on a des notions, on est forcé d'être constamment architecturé dans notre vie, puis ça, on ne le réalise pas parce qu'on voit pas on voit pas notre conscience atomique. Et on voit pas. Qui c'est ce qu'elle est, Mme Robida? C'est ça, Mme Robida? Ah, là, OK. Je vais demander à Mme Robida d'expliquer quelque chose que moi je sais. Parce qu'elle, elle a un écran mental qui peut connecter avec ce que je dis. Suivez bien mon histoire, là, puis vous dites que vous pourrez l'expliquer. si vous regardez un être, prenez-moi dans votre écran mental, comme exemple, là. Regardez-moi dans votre écran mental, puis vous allez voir que quand je parle de moi, là, il y a moi, il y a moi, il y a moi, puis il y a moi. C'est comme si le moi, là, c'est comme si... Comprenez-vous ça? Oui. Êtes-vous capable d'avoir ça? Il se dilue. Oui. Bon. Puis allez le plus loin possible où il se dilue le plus, là, puis dites-moi ce que vous voyez. C'est vite. C'est vite. Rien. C'est rien. Absolument rien. Ouais. Absolument rien. Il n'y a rien. Puis savez-vous pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Parce que tout est là-dedans. Fait qu'aussitôt que tu enlèves ça, il n'y a plus rien. Puis nous autres, nos notions, là, maintiennent ça ensemble. Tout ça, là, c'est nos notions. Plus tu te conscientises, moins tu as de notions, plus tu t'en vas vers ça. Fait qu'éventuellement, quand tu n'as plus de notions pantoute, là, c'est vide, vide, vide. C'est ça, être conscient. Fait que quand tu es rendu à ici, là, à ce parti ici, là, ce que tu vis dans ta conscience, c'est plus une notion. Tu n'as plus de notion de toi-même. Tu n'as plus de notion d'autrement que toi-même. Tu n'as plus de notion pantoute. Tu n'as plus rien, rien, rien, rien. T'es quelque chose d'autre qui est encore maintenu dans une forme. Mais t'es quelque chose d'autre. Puis ce quelque chose d'autre là, ça c'est ton propre secret. Il y a un toi qui le sait ça. Il n'y a personne qui peut savoir ça. Il y a un toi qui le sait. Et cette partie-là de toi qui le sait là, c'est pas la partie qui est comme ça. C'est pas la partie qui est le résultat de tes notions. C'est la partie de toi qui est parfaitement organisée dans ces mondes-là. Autrement dit, c'est la partie de ton mental qui est une construction parfaite sur les mondes architecturaux. C'est comme ton mental, là, quand ton mental est devenu parfait, parfait, parfait, parfait, parfait, parfait, au cours de l'évolution, là, quand il est devenu parfait, ton mental, dans ces mondes-là, là, il a la capacité instantanée d'organiser tout ça ici, là, qui donne ça ici. De sorte que tu en arrives à réaliser un jour que la contemplation, c'est très mauvais. Pour deux raisons. Parce que quand tu contemples, tu as la notion d'être spirituel, parce que ce que tu contemples est beau. Et aussitôt que tu contemples quelque chose qui est beau, tu as la notion spirituelle pour la simple raison que ce que tu contemples, c'est beau. Et l'homme doit en arriver un jour à ne pas être capable de contempler. Puis ça, je vous parle dans... Là, je vous dis, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous dis ça, là, mais je sais que ça va vous servir un jour. L'homme doit en arriver un jour à ne pas être capable de contempler. Sais-tu pourquoi? Parce que quand tu contemples, tu regardes ce que tu es de l'intérieur au lieu de le faire exploser vers l'extérieur et le descendre dans les mondes invisibles, dans les mondes matériels. Et c'est ça la différence entre les maîtres ascendants et les maîtres descendants. Les maîtres ascendants contemplent, ils se regardent le nombril, puis les maîtres descendants font exploser leur mental dans l'univers et descendent l'énergie et se construisent éventuellement des corps sur le plan matériel qui puissent recevoir cette énergie-là pour faire un travail. C'est ça la différence entre les êtres ascendants et les êtres descendants. Les êtres descendants ne se contemplent jamais. Ils n'ont pas la capacité de se contempler. Et savez-vous pourquoi ils n'ont pas la capacité de se contempler? Parce qu'ils sont en dehors du temps. Puis savez-vous pourquoi ils sont en dehors du temps? Parce qu'ils n'ont aucune capacité de quoi? Ils n'ont aucune capacité d'eux-mêmes. Il y a deux façons de voir ça. Ils n'ont aucune capacité d'eux-mêmes, ils n'ont aucune capacité d'eux-mêmes. Ils n'ont aucune capacité d'eux-mêmes, ça veut dire que rien vient d'eux autres. Ils n'ont aucune capacité d'eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ne peuvent rien faire par eux autres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que n'ayant aucune capacité d'eux-mêmes, et n'ayant aucune capacité d'eux-mêmes, il y a deux vibrations là-dedans. Ils sont incapables, ces êtres-là, de quoi? ils sont incapables d'exister. Ils sont incapables d'exister. Ils ne peuvent pas exister. Puis c'est justement parce qu'ils ne peuvent pas exister qu'il leur est impossible à eux de comprendre. Puis c'est justement pourquoi ils peuvent expliquer tout. Comprends-tu l'idée? C'est pour ça qu'on revient à la notion de la notion. Pour ne pas pouvoir exister, il ne faut pas avoir de notion. Aussitôt que tu as une notion, tu existes. Aussitôt que tu as une notion, tu ne peux rien expliquer. Si tu ne peux rien expliquer, tu n'as pas le pouvoir de la parole. Si tu n'as pas le pouvoir de la parole, tu ne peux pas transformer l'esprit des races en évolution sur différentes planètes. Alors, c'est très important pour l'homme, au stade où il est, de comprendre que les notions sont de la drogue pour l'esprit de l'homme et ça fait partie de la drogue qui a servi pendant toute l'évolution. Qui le sécurise. Qui le sécurise. Puis on a des notions. On a autant de notions. On a autant de notions qu'on manque d'intelligence. Comment tu veux dire? Autant de la notion, moins d'intelligence. Moins de notion, plus d'intelligence. Plus de notion, dans l'intelligence. C'est même ça marche. Enfin, je vous donne une règle de mesure pour voter. Il y a des gens des fois qui me demandent quel âge je suis rendu, vous le savez. Je viens de vous le dire. Vous êtes rendu là. Mais il ne faut pas se décourager. Parce qu'il va venir un temps où il y aura des changements dans le cerveau de l'homme et l'évolution se fera d'une façon très rapide. D'ailleurs, il ne faut pas que les hommes essaient de comprendre leur avenir en fonction d'un homme qui est dans un présent particulier. Mais ce qui est important pour les hommes, c'est de comprendre qu'autant qu'ils ont de notions, moins ils ont d'intelligence. Puis ça, c'est tellement réel là, que c'est ça, le réel de l'intelligence. À quoi ça sert, son niveau? À quoi ça sert, pourquoi? J'ai pas dit que vous êtes rien. J'ai dit que vous avez une notion d'être quelque chose. Ben, c'est quoi qu'on est? C'est quoi le commentaire qui s'est venu par là? Ce que vous êtes, c'est proportionnel à la notion que vous avez de ce que vous êtes. T'es toujours selon... Tu es selon la notion que tu as d'être. Tu es selon ta notion. Quand j'aurai plus de notion, je ne peux plus rien. Quand tu n'auras plus de notion, tu seras d'autres choses. C'est pas un instrument, c'est une notion, ça. Comment tu veux dire? La notion, ça densifie. La notion densifie les corps subtils. La notion densifie, donne aux corps subtils, mental, vital, éthérique, une densité. Leur enlève de la luminosité. Empêche l'homme d'être instantanément dans une progression d'intelligence. Et on vit de notions. Nos notions nous amènent à questionner, poser des questions, répondre d'une certaine façon. On est notion, l'homme est notion. Et on doit, au cours des années, perfectionner notre intelligence, c'est-à-dire perfectionner notre mental à un tel point que la notion n'existe plus dedans. Quand tu n'as plus de notion, quand tu ne vis plus de notion, tu sais quand tu ne vis plus de notion parce que tu ne fonctionnes pas psychologiquement de la même façon. Quand tu ne vis plus de notion, là, tu comprends tout. Même si tu ne comprends rien, tu comprends tout pareil. Tout est bien simple quand tu n'as plus de notion. C'est le fait qu'on a des notions qui rend les choses difficiles. Mais quand on n'a plus de notions, là, puis quelqu'un te parle, tu comprends. Même si tu ne comprends pas, tu comprends. Parce que c'est vibratoire. C'est plus psychologique. Quand tu me parles, je comprends rien, puis je comprends tout. Je comprends rien. Psychologiquement, mais je comprends tout vibratoirement. Si je veux en parler, je peux t'en parler. Alors, ça devient vibratoire. Et l'intelligence, c'est vibratoire. C'est pas psychologique. Et la notion, c'est psychologique. Fait que selon le degré de notion que vous avez, selon l'état de notion qui fait partie de votre esprit, de votre psychologie, vous avez une idée où vous en êtes vis-à-vis l'intelligence pure. disent que ça, c'est une bonne règle de mesure. À l'intérieur d'une génération, ça se tasse. Mais bien avant ça, parce que c'est progressif. Il y a des niveaux que les gens... Il y a des gens que je connais depuis 2 ans, puis ça, ils sont en dehors de la notion. Puis après ça, ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine. Mais la première étape de l'homme supramental, c'est de vivre sans notion. Puis c'est pas facile pour du monde de vivre sans notion, parce qu'il y en a qui n'ont des notions. Il y a des gens qui ont des notions sur les notions. Ils ont des notions sur tout. Puis ça, ça densifie les corps, puis c'est ça qui nous empêche d'être intelligent. Autrement dit, d'être dans l'intelligence. Parce qu'un homme n'a pas besoin d'être intelligent. C'est une notion, ça. Moi, je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas intéressé à être intelligent. Mais je fonctionne en maudit, pas. Je fonctionne créativement. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être intelligent. Mais je fonctionne tellement bien que tout marche. L'intellect, c'est pour moi dense. C'est la danse, l'intellect. Ce qui l'empêche de poigner la subtilité des... C'est ça. Moi, je ne suis pas intéressé par tout d'être intelligent. Être intelligent, c'est une diminution de l'intelligence. Comprenez-vous ça, vous? C'est une diminution de l'intelligence, d'être intelligent. Les autres, ils disent, c'est une perte d'énergie. Et comme on est énergie, puis qu'on perd d'énergie, mais éventuellement, on n'a plus d'énergie. Quand tu n'as plus d'énergie, tu es dense. Tu crèves. Plus d'énergie. Bernard, tu m'as demandé, tu leur demandais si c'était intelligent. Si c'est pas nécessaire d'être intelligent, quelle raison d'abord tu voulais savoir si c'était intelligent? C'est pas moi qui leur demandais si j'étais intelligent, c'est eux autres. C'est eux autres qui se demandaient si j'étais intelligent. Quand ça passe par mon système, ça fait comme si c'est moi qui me demande si j'étais intelligent. Moi, j'ai pas de notion. Eux autres, là, quand ils me disent, t'es-tu intelligent? Non, quand ils me disent « je suis intelligent », c'est eux autres qui me disent « je suis intelligent », c'est pas moi. Moi, je suis pas capable de penser. J'ai pas de notion. Fait que si ça passe dans mon cerveau « je suis intelligent », c'est eux autres qui me demandent « je suis intelligent ». Puis en disant « je suis intelligent », ben eux autres vont répondre quelque chose. Fait que ça fait passer de l'énergie dans mon système. Comment tu veux dire? Moi, je suis pas intéressé à savoir « je suis intelligent » ou « je suis pas intelligent », j'ai pas de notion. Ben oui, parce que vous avez des notions. Comprenez-vous, vous dites? C'est impossible à un homme qui est dans l'intelligence d'avoir l'impression de se demander une question. Un homme qui est dans l'intelligence, qui est en fusion, n'a pas l'impression de se demander une question. Il vit l'énergie de la question qui est demandée dans son cerveau puis la réponse qui est passée dans son cerveau. Tu profites tout le temps de l'énergie. Ça, c'est la meilleure chose que vous avez dit. Tu profites tout le temps d'énergie. Mais ça, je vous dis ça pour le même, c'est le même dans ma reine, oui. Puis quand tu profites tout le temps d'énergie, mais ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps vital, ton corps physique, bien, il fonctionne au niveau de l'énergie. On est des L'homme est un accumulateur d'énergie. Et l'homme doit apprendre à accumuler, puis accumuler, puis accumuler, puis accumuler l'énergie. Un jour, il va avoir accumulé tellement d'énergie qu'il va faire ce qu'il veut avec l'énergie qu'il a accumulée. C'est ça la conscience cosmique sur la Terre. Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Là, c'est la notion. Parce qu'elle veut voir la différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent. C'est ça qu'elle veut mettre le point dessus. Parce qu'elle veut voir ça a de l'importance dans la vie. Parce que si elle n'a pas d'importance dans la vie, ça vaut quoi la peine de vivre? Ça vaut-tu la peine de vivre? Quelle place qu'on s'en va? Ça, c'est l'ego qui veut se situer. Ça, c'est normal. Parce que l'ego pense. Parce que l'ego a des notions sur le caractère de l'existence. Et comme l'ego a des notions sur le caractère de l'existence, il veut mettre à point sa notion de l'existence. Puis comme il veut mettre à point sa notion de l'existence, ça lui permet de développer une philosophie d'existence qui correspond à son émotion et son mental. Et ainsi de suite, Tu comprends, vous dites? Ouais. Bon. Alors ça, c'est une mécanique naturelle de l'ego, c'est normal. De toute personne, de tout ego intelligent. Mais quand t'es plus un ego intelligent, t'as plus ces notions-là, fait qu'automatiquement, au lieu de vivre de la notion qui densifie ton mental, densifie ton émotionnel, tu ne vis que de l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui permet à ton mental, ton émotionnel, ton vital, d'avoir une certaine vibration, un certain champ de force, qui te permet, quand c'est le temps, de faire certaines choses. quand je dis quand je veux. Quand je veux, ça veut dire quand ils veulent. Puis quand ils veulent, ça veut dire quand je veux. Puis quand je veux, ça veut dire quand ils veulent. Comprends-tu ce qui est en haut et en bas? Il y a un équilibre entre le haut et le bas. Sans ça, je ferais un robot. Je suis pas un robot. Comprends-tu ce que je veux dire? Mais c'est dur pour nous de comprendre qu'on peut ne pas être un robot quand on a une notion du robot. C'est quand tu n'as plus de notion du robot que tu vis de la conscience de l'unité entre l'énergie et la forme. Et un être humain, c'est quoi? C'est un être qui est composé d'énergie et de forme. Et moi, j'ai une forme et j'ai une énergie. Et les deux ensemble font le haut et le bas. Et c'est pour ça que l'énergie dicte et la forme exécute. Et c'est dans le pouvoir... C'est dans le pouvoir explicatif de la notion du mot « je veux » que la forme remplit sa capacité de quoi? Comment c'est que ça veut dire? D'exécuter. Pour que ma forme exécute quelque chose, faut que ma forme veuille. Pour que ma forme veuille, faut que ma forme soit dans la conscience d'elle-même. Pour qu'elle soit dans la conscience d'elle-même, faut qu'elle ait, elle ait la capacité de vivre de l'énergie en elle. Comment ça veut dire? À ce moment-là, ma forme exécute. Puis quand ma forme exécute, tous les aspects de ma forme, soit très denses ou qui vont de plus en plus vers l'invisible, coïncident avec l'énergie. Et c'est ça qui permet à l'homme, sur le plan matériel, de dire qu'il fait telle chose. Mais quand il dit qu'il fait telle chose, il n'est pas dans la notion que c'est lui qui fait telle chose. Il est dans la réalisation, dans la réalité de la volonté, de l'énergie à travers ses corps, ses principes. C'est ça l'unité de l'homme. L'âme cosmique. Vous parlez de l'unité du haut et du bas, mais je vous l'explique comment ça marche, l'unité du haut et du bas. C'est ça, ce qui est en haut et en bas. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est en bas est un robot, puis ce qui est en haut fait tous les temps. Ça veut dire qu'il est constitué dans l'univers que l'énergie soit sur un plan et que la forme soit sur un autre. C'est évident. Comprends-tu? Alors, c'est l'énergie qui est l'esprit dans l'homme. L'esprit de l'homme est fait d'énergie et la forme de l'homme est simplement le véhicule pour la manifestation de cette énergie-là. Mais il y a fusion entre l'énergie universelle et l'énergie de l'âme. Il y a fusion entre l'esprit universel et l'esprit de l'âme. Mais l'esprit de l'âme n'a pas besoin d'avoir la notion d'être existentiel pour être bien dans sa peau. Il y a simplement à être en harmonie vibratoire avec l'esprit universel. À ce moment-là, il est bien dans sa peau. À ce moment-là, il n'y a plus de notion d'être. N'ayant plus de notion d'être, il n'y a plus de responsabilité vis-à-vis son ego. D'être ci ou d'être ça. Il est libre de n'être rien du tout, selon que l'énergie neutralise sa mémoire, ou d'être quelque chose, selon que l'énergie donne à sa mémoire une valeur quelconque. Si je dis dans ma tête, comment est-ce que je m'appelle? Ils vont dire, il s'appelle Bernard. Si je dis dans ma tête, comment est-ce que je m'appelle? Ils peuvent dire, c'est sans importance. Tu comprends? Mais comme je dois travailler avec les hommes, quelqu'un me demande qu'est-ce que c'est mon nom, je peux vous dire c'est sans importance. Fait que moi, je m'appelle Bernard. Tu vois, vous dites? Bon, on avance. Mais c'est subtil l'affaire de la notion d'être. C'est subtil. Ben, y en a-tu qui comprennent ça? Dans ton cas, quoi? La notion de densité, la plus dense que t'as, c'est celle de ta parole. Ouais. Exactement. Ma parole, exactement, parce que ma parole a le pouvoir d'exécuter ce que je suis. Et comme je n'ai pas de notion d'être, ma parole peut facilement exécuter ce que je dois être, le plus favorablement possible sur le plan humain. Et ceci se manifeste dans ma façon de parler. Mais c'est très intéressant le concept de la notion, parce que le concept de la notion, une fois qu'on l'a bien saisi, met en motion notre énergie. Aussitôt que tu commences à comprendre et à réaliser l'illusion, mais la nécessité de la notion, à ce moment-là, tu commences à vivre de ton énergie. Et les hommes qui viennent, dans les générations, dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, devront vivre, apprendre à vivre de l'énergie. Et il y a seulement une façon pour vivre de son énergie. N'en qu'une, n'a pas deux, n'a pas trois, n'en qu'une. C'est d'apprendre à avoir de moins de notions possibles vis-à-vis soi-même.